Un fou et un sage. Fable 22 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Un fou et un sage. Certains fous poursuivaient à coups de pierre un sage. Le sage se retourne et lui dit « Mon ami, c'est fort bien fait à toi. Reçois cet écu-ci. Tu te fatigues assez pour gagner davantage. Toute peine, dit-on, est digne de loyer. Vois cet homme qui passe, il a de quoi payer. Adresse-lui tes dons, ils auront leur salaire. » Amorcé par le gain, notre fou s'en va faire même insulte à l'autre bourgeois. On ne le paya pas en argent cette fois, mais testafié à court. On vous happe notre homme, on vous l'échine, on vous l'assomme. Auprès des rois, il est de pareils fous. À vos dépens, ils font rire le maître. Pour réprimer leur babille, irez-vous les maltraiter? Vous n'êtes pas peut-être assez puissant. Il faut les engager à s'adresser à qui peut se venger. Fin de Un fou et un sage. Fable 22 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public.